Bienvenue en 2030 glorieuse. Bon voyage. En fait, c'est intéressant parce qu'on a remarqué que c'est souvent les points de bascule ou les grands événements, ils ont de l'importance dans le récit ou dans le discours, mais dans le concret et dans la vie, ils restent anecdotiques. Par contre, il y a plein de moments anecdotiques qui constituent de vrais coups d'accélérateur. On a remarqué que pendant les 20 ans où on faisait ce festival Nourrir Liège, pendant chaque festival, il y avait des rencontres et des mises en relation qui ont donné naissance directement à des vrais projets ambitieux. Par exemple, aujourd'hui, toutes les cantines scolaires à Liège sont en bio local. Toutes les cuisines de collectivité, dans tous les hôpitaux, toutes les homes. Et en fait, tout ça c'est parti de quelques rencontres au moment où des responsables politiques ont rencontré des responsables d'institutions scolaires ou des hôpitaux, ont rencontré des maraîchers et ont rencontré des chercheurs. Et à ce moment-là, les gens ont tous mieux compris le point de vue des autres et surtout, ils ont compris que c'était plus facilement réalisable que ce qu'ils ne pensaient. On n'a pas dit que c'était facile, mais c'était plus facilement réalisable que ce qu'ils ne pensaient. Et qu'in fine, il ne fallait pas toujours penser en termes de coûts, mais qu'il fallait penser en termes d'investissement. Et en fait, depuis 10 ans, on a investi. Et aujourd'hui, on voit toute la richesse que ça a produit, cet investissement depuis 10 ans. Et il y a même des coûts qu'on n'a plus par rapport à avant. Notamment, il y a une étude qui a été publiée là pour dire qu'aujourd'hui, en 2035, la sécurité sociale belge coûte moins cher. Merci d'avoir voyagé avec nous en 2030 glorieuse. Si vous voulez continuer à muscler vos utopies, rendez-vous sur 2030glorieuse.org pour explorer la galaxie utopiste que nous mettons à votre disposition avec créativité, enthousiasme, humour et amour. Vous pourrez découvrir des méditations utopistes, des livres et pourquoi pas d'autres épisodes du podcast 2030 Glorieuse qui existe depuis plusieurs saisons déjà. Surtout, les 2030 Glorieuses, c'est un atelier d'intelligence collective qui permet de reprendre le pouvoir des imaginaires. Cet atelier peut se réaliser partout en France, voire même en Europe ou en ligne. Et si vous le souhaitez, vous pouvez devenir guide de voyage en 2030 Glorieuses pour rejoindre la communauté des centaines d'utopistes qui sont déjà tout autour de vous sans le savoir. Alors je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode et à bientôt dans la communauté utopiste 2030 glorieuse.